aux Italiens, ces gros blaires. Je suis copieux dans leur sensuaire. Aux Espagnols, ces gros tas. Je suis copieux dans leur paella. Aux Anglais, ces têtes de con. Je chie dans leur chapeau melon. Aux Allemands, ces gros blaireaux. Je chie dans leur culotte de peau. L'Europe, j'en ai plein les godasses. L'Europe, ça me file de la chasse. Aux Portugais, c'est trop du cul. Je chie tout nu sur leur morue. Aux Grecs, c'est gros tafiole. Je chie au fond de leur acropole. Hollandais, ces pauvres types. Je chie menu sur leur tulipe. Aux Suédois, ces fans de rats. Je chie dans leur Ikea. L'Europe, j'en ai plein les godins. L'Europe, ça me file la chasse. Aux Roumains, ces poivrons. Je chie sur leur faux démo. Aux Polonais, ces cutéreux. Je chie sur leur Jean-Paul II. L'Europe, je m'en. Y'a qu'un pays pour lequel je bande, c'est évidemment le Groland. Bravo, bravo, monsieur le président.